I'm not alone. Radio Pulsar. Serenity, 私たちはみんな胸に星を持っているの。 星？ 光と闇はいつでも隣り合わせ。闇に少しでも怯えたり涙を見せると闇は巨大になり襲ってくる。そして光を飲み込んでしまう。セレニティ、闇や暗黒の心に打ち勝つためにいつでも胸の中の星を輝かせていなければダメよ。それがあなたの一番大切な使命よ。 次へと走れと遊ぶよ。火星の していたのよ、ウサギちゃん。ウサギちゃんには使命があるのよ。仲間を集めて敵を倒すの。 ムーンプリズムパワーメイクアップ 。 月に変わって、お仕置きよ。 Écoutez la quatrième édition de Tokyo Mental sur Radio Pulsar, 95.9 MHz à Poitiers, dans la Vienne en France. Et sur radiopulsar-.org, partout dans le reste du monde. Je suis votre narrateur pour les prochaines 60 minutes. Cette émission est née d'une opportunité. Une proposition d'expression lancée à la cantonade. Un formulaire en ligne, rempli et envoyé. Une tentative presque désintéressée. Une pierre jetée dans le vide. Un geste dont on attend un résultat simple, connu, enfantin. Un son. Celui du minéral arrivé à destination. Je fais partie de ces êtres humains qu'on considère comme bizarres par défaut. Parce qu'ils ne réagissent pas comme on l'attend, et qu'on ne comprend pas pourquoi, et qu'on n'aime pas ça. Je suis le différent, l'étrange, l'étranger. Celui dans lequel on ne se reconnaît pas, à moins qu'on n'aime pas s'y reconnaître. J'aime les choses qui ne fonctionnent pas comme attendu. La pierre qui ne renvoie pas le son de son arrivée au fond, par exemple. Là commence l'aventure. Là commence le mystère. Là commence le travail de l'imagination. Là peuvent naître les histoires, et à partir de là, le lien. Je n'avais pas envisagé qu'on réponde par l'affirmative à ma proposition d'émission. Voyez-vous, j'ai du mal à expliquer ce qui vit en moi à autrui. Je ne sais jamais ce qu'attendent les autres, ni comment formuler une proposition qui les intéresse. Mais j'ai fait le pari plus jeune, d'être moi en toutes circonstances. Bizarre, maladroit, confus, parfois employant trop de mots pour dire des choses simples, comme en ce moment. Avec le temps, j'ai préféré être pris pour ce que je suis vraiment, plutôt que dans un malentendu. Pour une raison que j'ignore, j'ai convaincu avec mon concept de voyage immobile vers une cité imaginée portant le nom d'une cité bien réelle, avec comme véhicule des sons et de la musique. Tokyo Mental n'a pas encore de forme définie, et encore moins définitive. Je cherche. Peut-être que c'est sa forme d'être en perpétuelle évolution, explorant des possibilités sans fin. Peut-être que cette émission est comme moi, un flux permanent se nourrissant de lui-même et s'enrichissant d'influences exogènes. Néanmoins, je pense que toutes les choses qui existent sont à la recherche de la révélation de leur forme. Je pense que c'est le marbre qui révèle sa forme au travers de la sculpture et non la volonté du sculpteur au travers de la technique. La radio, comme le sculpteur, n'est qu'un médium. La signification de la narration de cette émission, au travers de sa sélection musicale et des collages sonores de certaines séquences, je suis le seul à en connaître. Cette émission n'est pas le produit d'une stratégie commerciale visant à toucher une cible, à récolter des likes ou des followers. Il n'y a pas de plan marketing derrière, il n'y a pas de volonté de notoriété à la clé. Je suis juste le narrateur, une voix sans visage. Une vibration traversant l'air et est décodée par un élément dans votre cerveau, la transformant en signal électrique qui, une fois interprété, devient une partie de votre réalité. C'est mon histoire que je conte chaque semaine, une histoire secrète, chiffrée, que tout le monde peut entendre mais dont personne n'a les clés. Nous sommes des coffres à cœur ouvert. Nous sommes Janus, un être à deux visages. Nous sommes le commencement et la fin, nous sommes un. Et pourtant nous sommes deux. Nous comptons deux histoires en même temps, une sociale et publique, une cachée et intime. La première nourrit et se nourrit de la réalité consensuelle, le récit auquel la majorité adhère et qui permet de faire société. La seconde se nourrit de la première, mais aussi de nos souvenirs et de nos émotions. Elle puise dans la mémoire collective de toutes les générations passées, présentes et futures. Il y a un lien entre les générations, un lien qui dépasse le cadre de la filiation, de la génétique et de l'illusion du temps. Cette histoire secrète, même à bien des égards pour nous-mêmes, est le récit fondateur qui supplante la réalité consensuelle qui n'est qu'une fiction, celle du désir d'être accepté à tout prix par le groupe. Pour moi, ce qu'on appelle le libre arbitre et qui a la capacité à décider par soi-même, en toutes circonstances. Pour moi, ça vient de là, de l'intime, du conte chiffré. C'est cette réalité personnelle que je cherche à atteindre, chez moi et chez vous, au travers de Tokyo Mental. Il ne s'agit pas d'une expérimentation scientifique et encore moins d'un truc halluciné de développement personnel. C'est une intuition. Celle que le conte a toujours rempli, cette fonction de nous faire vivre pour un moment une réalité autre que celle du groupe majoritaire et que la nôtre propre. Une bulle de réalité partagée, comme lorsque nous assistons à une pièce de théâtre, un concert, un film dans une salle de cinéma. C'est mon histoire que je conte avec Tokyo Mental. Ce sont mes émotions qui ordonnent les sons et la musique. Et ce sont ces sons et cette musique qui, en retour, génèrent les émotions que nous ressentons tous ensemble à leur écoute. Tokyo Mental est né de cette idée que la réalité est une vue de l'esprit. Quelque chose qui émane de nous et non l'inverse. Ce quelque chose permet le voyage, l'expérimentation et la simulation sans risque. Cette histoire secrète, cette intimité, est une sorte de bac à sable dans lequel nous pouvons être n'importe quoi sans subir ni jugement, ni punition pour simplement avoir pensé. Alors, librement, nous pouvons nous construire comme le papillon dans son cocon, à l'abri des regards et être fiers en nous-mêmes le jour de l'éclosion. Les pensées sont sans conséquence. Seuls les actes doivent être assumés. Tokyo Mental est né de l'intuition qu'il est possible, via les ondes hertziennes et le flux du web, d'entrer en empathie les uns avec les autres, en dehors des lois qui régissent l'espace-temps, et de partager pendant 60 minutes, dans le passé, le présent et le futur, une expérience commune, dans des réalités individuellement différentes. C'est la magie du conte, et c'est de cette façon que les animaux humains sont devenus des êtres de culture. Et c'est de cette façon que l'humanité, colonisée par le froid du calcul, peut se réveiller. Et c'est de cette façon que nous pouvons changer la réalité consensuelle, pour changer le monde. Nous ne sommes pas seuls, car nous sommes les faiseurs de musique. Et nous sommes les rêveurs du rêve. Vous êtes prêts? Fermez les yeux. Le voyage commence. Le voyage vers Tokyo Mental. We'll be right back. 大会歌6章オーディションで選ばれた栃木県立栃木女子高等学校高橋さやねさんが大会歌「栄冠は君に輝く」を独唱します。 なんか、 うん、 すごいいろんなことが今年あったじゃないですか、うん、でなんか今年のいいエンドが待ってるじゃないですか、 うん、そうだね、 なんかすごい報われた感じがします。 そうだねそれも含めてやろう。 そうですね、うん、それをここに、 うん、 はい、いきます。 じゃあよろしくお願いします。 お願いします。 お願いします。 いきます。 強くなれる理由を知った僕を心震える手は掴みたいものがある、それだけさ、夜の匂いに空にランでも変わっていけるのは自分自身だけ、それだけさ、強くなれる理由を知る僕を連れて進め、どうしたって消せない夢も止まれない今も、誰かのために強くなれるならありがとう、悲しみよ、世界に打ちのめされて負ける意味を知った、耳を刺す戸惑う心、優しいだけじゃ守れないものがある、わかってるけど水面下で絡まる線を透けて見える気前に出ます、 Tell me why, tell me why, tell me why, tell me I don't need you、 一切の花より挑み続け最大地理が美しい、乱暴に敷き詰め、 エモい。楽しい ね。楽しい。 楽しい。 風着こなし日の当たる道若気の至りの毒が回ってどこへ伝わる得意の巨彩でどうせ違う惑星の方ですね僕はこういうやつだから 納得したいわ満足したいわそらく私は約束したいだけ優しい子を演じている私そういうところ君はいつもそうノックノックドア叩くよ携帯と一緒ベッドで

も待っていたのよ私猫と一緒に3時間も待っていたのよ私猫と一緒に猫みたいに喋ったテレビのボリューム下げて 私が私じゃないみたい I already love なんて笑っちゃうタッチリおめめ怖くもメイクチークはいたずらにラブリー今夜の視線は一人占め I don't know what to do だって私本当は Mental, c'est fini pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Peut-être, on verra. Je vous laisse avec le message de fin. I'm not alone. Radio Pulsar.